Bonjour, il y en a pas mal qui m'ont écrit, puis à travers, il y en a qui vivent des grosses, grosses affaires. Des grosses, grosses affaires. C'est là que, pour la première fois, il y a du monde que je leur ai dit, il est temps de prendre un break. Il est temps de prendre un break. Il y en a qui vivent en ce moment des électrifications cellulaires, avec des phénomènes là, psychoélectriques. Des problèmes là, dans leur maison, des phénomènes. Puis c'est là, dans ce temps-là, ben, je vais être porté à dire, c'est le temps de prendre un break. Il va falloir prendre des vacances de tout ça. Il y en a d'autres, le contact est ouvert, puis ils ne ferment plus, ils sont plus capables. Ils sont plus capables de le fermer. Ils se font réveiller dans la nuit, les centres sont ouverts, puis ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Fait que l'affaire là, de l'esprit qui s'est servi de l'être humain. Pendant toute l'involution, pour si on peut dire creuser un canal, va falloir un jour que il serve l'être humain, mais c'est des choses tellement difficiles à contrôler une fois que c'est parti. Puis c'est là que des fois je vais être porté à dire au monde, essaye de prendre un break de tout ça. Quitte à redevenir un peu niaiseux, un peu nono. C'est mieux ça que de perdre la carte ou de se ramasser le système nerveux complètement fini. Ou de perdre ce qu'on a. Il y en a, ils risquent là-dedans, ils risquent de perdre leur maison, leur conjointe. Donc, une fois que le contact est ouvert puis qu'on n'est plus capable de le refermer, il est temps de baisser en vibration pour des raisons de repos du système nerveux parce que là, on est dans le dangereux, là. Ce que, dans ce qui est le plus dangereux, moi, à mes yeux. Parce que c'est là que. C'en est un test, ça. De ne pas être assoiffé du contact, puis une fois qu'on est en train de se noyer, il y en a qui sont assoiffés un bout de temps, après ça, ils risquent de se noyer. Donc, il va falloir développer un contrôle. Il va falloir qu'il y ait une domination de ces forces-là. Est-ce que, comment il était dit, de mater. Mater ces forces-là. Parce que des fois, je lis des choses qu'on m'écrit en privé. Puis là, ils sont allés en voir d'autres, ils ont demandé à d'autres qu'est-ce qui se passait. Les autres, ah, ils les encouragent, là. Ah, c'est parce que tu vis telle phase, puis voyons, là. Moi, là, je commence à trouver, il y en a qui sont irresponsables. À un moment donné, c'est ajusté de dire, là, on va prendre, faut prendre un petit temps pour faire baisser ça, calmer ça. Avant là, de se faire passer au cash, dans le sens que si tout se paye, ben ça c'est plus payant. Donc, c'est bien correct d'avoir un contact, mais il faut être capable de le fermer. Quand c'est pas ajusté, c'est bien correct, là, ceux qui ont ils ont réussi à ouvrir leur centre. Là. Puis là, au début, c'est bien, ils sont enthousiastes. C'est bien le fun. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui passent par là. Hein? Fait que c'est juste ça, c'est ça que j'avais à dire. Il y en a qui sont allés voir ailleurs. C'est pas pour me déplaire. Parce que c'est tout, ça va être un petit break. Puis même, quand ben même, bon, il n'y a pas rien que moi, il y en a d'autres. Mais là, des fois, je trouve que parmi ceux là, qui font ça comme un métier, là, si je puis dire, puis les gens vont être portés à aller demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, des fois, ils sont sur le bord là, d'une cassure, puis ils se font comme pousser vers la cassure. J'aime moins ça. Fait que je me permets des fois d'écrire au monde, mais non, non. Ce qui t'a été dit là, non. Moi, ce que je considère, c'est que c'est le temps de se reposer un peu le système, puis je donne des trucs pour calmer ça un peu. Donc, on n'est pas pour être tout le temps. C'est bien beau ces affaires-là, mais il faut qu'il y ait du discernement, du dosage, de la tempérance là-dedans. C'est trop. Il y en a, ils risquent gros. Le système nerveux, c'est ça se. Une fois que c'est vraiment affecté, il n'y a plus moyen là, de. Moi, je connais pas de façon. En tout cas. Ben franchement, j'en connais pas de façon de restaurer ça totalement. Une fois que le système nerveux est affecté, parce que c'est allé un petit peu trop loin, surtout ceux qui vivent des électrifications cellulaires, là. Moi, personnellement, ce que j'ai eu dans le passé, c'est des petites bribes, des petits flashs, des petites choses. Mais ça a l'air violent. Ça a l'air violent. Mais là, juste à repenser là, à ce qui m'est décrit, là. Là, ça commence à être un. Ça y va fort pas mal. De toute façon, le fait que les gens n'aient pas le contrôle une fois que c'est parti, puis que. Des fois, ben, c'est le temps de prendre un break. Il y en a des. Ils sont trop. Ils l'ont trop écouté, Bernard. Ils ont trop écouté Ken, puis ils ont rien que fait ça pendant trop longtemps. C'est pour ça que c'est important de varier un peu ce qu'on fait, de pas être tout le temps là-dedans. Parce que là, à un moment donné, ouais, je suis un petit peu découragé des fois. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui.